Dans l'autre monde, votre cyber-revue de presse, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. François Marginat au micro, nous sommes jeudi le 29 mai 2008, il est 11h, vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors cette semaine, comme prévu, nous avons Gilles Parent, naturopathe agréé du Québec, qui vient nous parler encore des effets du fluorure, plus axé sur les dégâts sur l'environnement, mais aussi sur les effets sur la santé. Alors, la semaine passée, je vous avais dit qu'on aurait un petit volet sur, le volet plus ça, été, jardin, puis tout, mais là, évidemment, qu'on est tout le temps coincé dans une heure. Alors, chers amis, ce qui va arriver, c'est qu'on va passer l'émission complète à parler des fluorures, et nous allons revenir sur le volet plus biologique, jardin, puis tout, durant une autre émission un peu plus tard, donc restez ici à l'écoute pour avoir plus de détails. Mais voilà, pour cette semaine, on va se pencher sur le cas encore du fluorure, qui est un dossier explosif, et puis qui est encore surprenant que c'est pas plus connu que ça, et puis que les gens ne sont pas plus révoltés que ça, parce que c'est vraiment de quoi de troublant. C'est comme si on avait un poison qui se retrouvait dans notre chaîne alimentaire, puis qu'on le mettait là de façon volontaire. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, c'est un poison même qui endommage le cerveau, qui fait descendre notre quotient intellectuel. Donc, chers amis, restez à l'écoute. Thank you. Alors, chers auditeurs, nous avons cette semaine de retour M. Gilles Parent, naturopathe agréé du Québec, qui est auteur aussi de l'inconséquence de la fluoration en 1975 et co-auteur de la fluoration autopsie d'une erreur scientifique qui a été publiée en 2005 et aussi porte-parole scientifique du Front commun pour une eau saine et porte-parole de l'Association des naturopathes agréés du Québec. Alors, on avait eu M. Parent un peu plus tôt la saison dernière, c'était le 27 mars, et puis vous avez bien aimé l'émission en général, j'ai eu des bons commentaires, alors nous allons avoir M. Parents avec nous sur l'émission, et puis ça risque d'être une collaboration aussi qui va s'étendre sur plusieurs autres émissions, donc un peu comme un collaborateur spécial ici à l'émission. Il y a tellement de sujets à parler par rapport à la santé, la prévention. Alors, cette semaine, ce qu'on va faire, on va faire un autre volet pour compléter notre dossier sur le fluorure et puis, savoir ce qui se passe avec ça, le suivi des dossiers. On sait qu'il y a la Ville de Québec qui a arrêté finalement la fluoration de son eau. Donc, on a eu quand même une petite victoire de ce côté-là, mais il y a encore des choses à surveiller. Et puis, M. Parent est au sein, en fait, d'une campagne pour essayer d'éduquer les gens et puis essayer de faire cesser toute fluoration de l'eau au Québec. Alors, M. Parent, bonjour et bienvenue encore sur l'Autre Monde. Bonjour, ça me fait bien plaisir, M. Margéant. Comment allez-vous? En pleine forme, et puis on va parler aujourd'hui de la question environnementale des fluorures, parce que ça pose aussi beaucoup d'aspects et beaucoup de problèmes au niveau de l'environnement. Effectivement, c'est pas juste au niveau de la santé que les fluorures ont des effets néfastes aussi sur l'ensemble de l'environnement qu'on avait vu dans la première entrevue ensemble. Le fluorure a en fait un niveau de toxicité assez élevé, et puis évidemment des conséquences quand c'est rejeté dans l'environnement. Tout d'abord, avant qu'on entre plus en détail dans ce sujet-là, M. Parent, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce qui s'est passé au niveau de la Ville de Québec et aussi avec votre lutte là, par rapport à tout ça? Ben, disons que dans la Ville de Québec, le 1er avril de cette année, ils ont arrêté la fluoration. L'opposition, alors, la majorité dans la Ville de Québec, et on a pris beaucoup de temps et d'énergie à informer les gens de l'opposition. Et puis, ce groupe de l'opposition a exigé à la ville d'arrêter la fluoration de l'eau, alors que le nouveau maire, M. Lebaume, avait décidé, lui, de pousser et de continuer à pousser la fluoration de l'eau. La direction de la santé publique a dépensé plusieurs centaines de milliers de dollars pour promouvoir la fluoration. Ils ont fait toute une campagne, une deuxième campagne, pour essayer de renverser la position de l'opposition. Qui a dépensé tout cet argent-là? Ah oui. Qui a dépensé ça? Ah, la direction de la santé publique. La direction de la santé publique au Québec a dépensé tant d'argent que ça pour vendre le concept de la fluoration de l'eau. Ah, wow. Ils ont fait des grandes annonces dans les journaux, ils ont fait une série d'articles, ils ont descendu dénigrer les opposants à fluoration, ils ont attaqué l'opposition en disant qu'il était inconséquent et dangereux pour on a même accusé les opposants de la fluoration d'être des éco-terroristes. Qui étaient ces opposants, M. Parent? Pardon? Qui étaient ces opposants, ceux qui ont... Les promoteurs, les gens qui... la direction de la santé publique et le maire de la Ville de Québec a dit que les gens s'opposaient et empêchaient la démocratie. Alors, on leur a demandé, alors, au conseil de la ville, s'ils avaient demandé la permission à la population, s'ils avaient fait un référendum pour fluorer l'eau. Ouais. Ils ont dit, ben non, on l'a pas fait, ça. Parlons-en de démocratie. Alors, tant qu'en démocratie, pas demander la permission de la population pour arrêter la fluoration ou pas demander la permission pour fluorer l'eau, d'un côté ou de l'autre, c'est la même démocratie. Wow. Quand vous parlez d'opposants, est-ce que c'est que votre organisation à vous, les naturopathes agréés du Québec, ou qui est lié à toute cette... Non, les opposants à la fluoration de l'eau à Québec, ce sont des groupes environnementaux. Il y a l'association des Amis de la Terre à Québec qui travaille, il y a la Société pour vaincre la pollution qui est dans le groupe, il y a une association de dentistes holistiques qui s'appelle maintenant l'Académie de dentisterie biocompatible du Québec. Okay. Il y a l'Association des naturopathes agréés du Québec, évidemment, et puis il y a un groupe aussi juridique, j'essaie de me souvenir le nom, en tout cas, il y a comme ça plusieurs groupes. Il y a plusieurs groupes. Donc là, à la ville, et puis le ministère vous a dit, vous êtes des éco-terroristes, vous n'êtes pas pour la démocratie, mais alors on ne demande pas à la population, par contre, qu'est-ce qu'elle pense de se faire médicamenter de masse comme ça, sans, dans le fond, sans discrimination, là. Les décisions se font généralement au conseil de la ville sans que la population soit nécessairement informée du fait qu'il va y avoir l'affloration de l'eau. On décide pour la ville, c'est bien bon pour la santé des gens, ça réduit la carie dentaire de 60% alors que c'est complètement faux. Le taux de réduction qu'on peut s'attendre au maximum pour avec l'affloration de l'eau, selon plusieurs études, dont l'étude de McDonough de l'Université York en Angleterre, c'est 15%. Et il y a 6 dernières études qui ont été faites depuis 1995 qui démontrent que la fluoration de l'eau ne réduit pas du tout le taux de carie dentaire. Alors qu'on prétende que ça réduise la carie dentaire de 60%, c'est véritablement un mensonge. Il n'y a aucune étude scientifique. C'est un mensonge éhonté. Et puis surtout dans la position où ces gens-là sont, en tant que tels, de monter des campagnes de publicité comme ça, qui sont publiques pour essayer de vendre le concept de l'effluoration de l'eau, en pensant que, dans le fond, c'est bon pour nous, mais qui n'ont aucune étude solide pour se baser. C'est assez spécial. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail là, qui est responsable des décisions, de savoir si on va fluorer l'eau ou pas, et qui est responsable de ça au Canada et au Québec? Donc, au Québec, il y a eu une loi qui, la loi 88, dans les années 1978-1979, qui avait été proposée par le gouvernement, elle était passée à la fin 1975 en fait, là, okay. Qui rendait obligatoire la fluoration de l'eau pour toutes les municipalités au Québec. Okay. Il y a eu tellement d'opposition, et en particulier du ministère de l'Environnement, avec le docteur Morin, qui était parti du conseil consultatif sur l'environnement, sur la question des fluorures. Et puis avec le docteur Bondoc, qui était responsable sous-ministre de l'environnement à ce moment-là. Au Québec. Alors, ces gens-là ont publié un rapport, le livre rouge sur les fluorures, qui s'appelle « Les fluorures, la floration et l'environnement ». Et puis ce rapport-là recommandait d'arrêter tout de suite la floration de l'eau parce que ça pouvait être trop dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Et à ce moment-là, le gouvernement a changé sa politique. Il a dit, bon, on laisse aux municipalités la décision finale de fleurer ou pas fleurer l'eau, parce qu'il y avait tellement eu une levée de bouclier contre la floration, que le gouvernement a reculé. Donc, c'est désengagé, puis a remis finalement la décision finale aux municipalités de fleurer ou pas l'eau. Donc, s'il y avait des conséquences négatives, néfastes pour la santé et l'environnement, ça retomberait sur les épaules des municipalités au lieu de sur les épaules du gouvernement. Mais c'est le gouvernement qui nous vend le concept de la fluoration de l'eau. Ça, c'est assez spécial. Il finance l'installation de l'équipement, puis il finance l'achat du produit. Il fait la publicité. Puis il fait la publicité. Et puis là, s'il y avait un problème au niveau environnemental de santé, ben à ce moment-là, le gouvernement s'en lave les mains, quoi. Bien, c'est ça qu'on apprend aux États-Unis. Tous les organismes responsables de la santé publique, tous les organismes responsables de l'environnement, la Food and Drug Administration, l'Agence de protection de l'environnement américaine, n'ont pas pris la responsabilité de la toxicologie ou de la toxicité du produit. Alors, ce n'est pas eux autres qui sont responsables de l'innocuité et c'est pas eux autres qui sont responsables de l'efficacité du produit. Donc, qui est responsable? Et le produit qu'on utilise maintenant, c'est le déchet industriel des compagnies d'engrais chimiques. Ce produit-là est contaminé avec des métaux lourds comme le plomb, le mercure. Il n'y a pas de grande concentration, mais si on rajoute un peu d'arsenic, si on rajoute un petit peu de plomb à l'eau, ben ça s'ajoute aux autres sources déjà d'exposition et ça augmente l'apport total. C'est tout, ça reste tout dans les normes acceptables, mais ça augmente la norme. Oui, c'est ça. Le taux dans l'eau, alors ça augmente l'apport total. Et aucun des gouvernements n'a fait les tests pour savoir si les fluosilicates ont la même toxicologie ou la même toxicité, je devrais dire, la même toxicité que le fluorure de sodium pour lequel on a fait des tests. Alors, le produit n'a jamais été testé. On n'a jamais vérifié si ce produit-là était cancérigène, si le produit-là était mutagène, si le produit pouvait avoir des effets toxiques, se combiner d'une façon différente. Et on a découvert que le produit n'était pas complètement dissocié dans l'eau et qu'une certaine partie, selon le pH, pouvait rester sur une forme de fluosilicate. Et les fluosilicates ont des effets toxiques particulièrement sur une enzyme qu'on appelle l'acétylcholinestérase. Alors, cette enzyme-là est bien importante pour le système nerveux. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on utilise les fluorures dans les insecticides parce que ça empêche les insectes de respirer, ça entraîne la mort de l'insecte. En allant jouer dans le cerveau. L'eau, c'est un insecticide à petite concentration. C'est ça. Et puis nous, on consomme ça. Là, écoutez, j'ai eu des questions, des commentaires. Il y a une question qui me revenait quelquefois, et puis c'était, les gens étaient surpris par le fait que la qualité des fluorures qu'on mettait dans l'eau potable était de qualité industrielle. Ben oui, Pouvez-vous écoute. revenir plus là-dessus, expliquer c'est quoi cette affaire-là? Parce qu'il y a des gens Alors. qui ont eu un peu les cheveux qui leur ont dressé sa tête, là. Oui, c'est justement la raison pour laquelle le docteur, docteur Lineback, qui est le doyen du département de dentisterie de médecine dentaire préventive de l'Université de Toronto, qui était un des plus gros promoteurs de la fluoration de l'eau, il a renversé sa position quand il a appris que le produit qu'on utilisait pour l'eau n'était pas de qualité alimentaire, ni de qualité pharmaceutique, mais c'est le produit industriel qu'on utilise pour fabriquer le métal, l'acier ou l'aluminium. L'aluminium. C'est le même produit qu'on utilise pour fluorer l'eau. C'est le déchet qu'on récupère dans les systèmes de dépollution, parce que le gouvernement américain défend de rejeter dans l'environnement ces fluorures-là C'est parce qu'ils sont ça. trop polluants. C'est ça que vous nous aviez dit. Vous avez dit que c'est trop dangereux pour être rejeté dans l'environnement et on veut pas les accepter dans les fosses ou dans n'importe où finalement. Donc on met ça dans l'eau. Donc là, c'est là que ça a choqué ben du monde. C'est comme ben voyons donc, c'est comme c'est en fait des déchets toxiques qu'on ne sait pas quoi faire avec, et puis là on les met dans l'eau. Je veux dire, ça c'est rendu Un moyen de s'en débarrasser, c'est c'est de ça. diluer dans l'eau des villes puis le faire passer par le système de dépollution que sont les corps humains. C'est assez spécial, ça. Je veux dire, Monsieur Parent, ça veut dire que. On ne peut pas utiliser les plantes qui en meurent. Imaginez. Parce que c'est ça, on dit, là, on n'a pas le droit de rejeter ça dans l'environnement, mais on met ça dans l'eau. Finalement, toute ce eau-là se retrouve dans l'environnement aussi. Des eaux usées, finalement, qu'on utilise. Après ça, c'est nous qui consommons ça. Et finalement, bon, c'est qu'un chemin détourné, finalement, et puis ça se retrouve dans l'environnement pareil. Donc là, écoutez, je voulais nommer les villes là, que vous aviez sur une liste ici. Là, je vois Bécancour, Trois-Rivières, Windsor, Richmond, Dorval, Pointe-Claire, Fermont, Montmagny, Lévis, quartier Saint-Romuald et Châteauguay, La Prairie, Farnham, Verchères. Donc ça, c'est les villes qui restent au Québec. Mais on a quand même. Est-ce que l'eau se retrouve ailleurs aussi fluorée ou c'est juste à la Non, sortie de c'est ces les villes-là? seules municipalités en ce moment, en tout cas à notre connaissance, qui est fluorée. Il y a la ville de Gatineau qui a un projet. Ça, c'est tout le regroupement de la communauté de l'Ottawa. Donc là, ces villes-là utilisent le fluor dans leur eau potable. Là, après ça, bon, que ça, évidemment que la quantité que nous on utilise, que nous buvons, est minime par rapport à ce qui est rejeté là avec les eaux usées. Puis ça se retrouve dans l'environnement, Monsieur Parent. Là, qu'est-ce qui arrive avec ça? Alors, ce que c'est qu'ils font quand ils fluorent l'eau, c'est qu'ils ajustent la concentration. Alors, comme il y a un petit peu de fluorure dans l'eau naturellement, la concentration naturelle en fluorure dans l'eau, c'est entre 0,05. OK? On parle selon les régions Million. aussi, là, parce qu'il y a des régions qui. 0,05. C'est ça. Naturellement, quand on puise l'eau de la rivière a généralement une très faible concentration de fluorure, qui au Québec est généralement entre 0,05 parties par million à 0,12 parties par million, 0,12 milligrammes à peu près parties par million. Ce fluor-là n'est pas de la même qualité, évidemment, que celle qui est industrielle, qu'on ajoute à l'eau, là. Ça, c'est deux questions, mais comme composé de fluorure, c'est généralement du fluorure de calcium ou du fluorure de sodium qu'il y a dans l'eau. Mais sous forme Naturellement, naturelle. ça vient de la dissolution des sols, tout ça, parce que naturellement, il y en a un peu partout des fluorures. Est-ce que Et ce c'est un fluorure-là est nocif pour la santé? Est-ce que c'est la même affaire que ce qui est rejeté à l'eau? Tous les fluorures sont des éléments toxiques. Il y a de l'arsenic naturellement dans l'eau à des faibles concentrations. Il y a du plomb à faible concentration. Notre organisme est capable d'éliminer de faibles concentrations de substances toxiques. Il y en a certaines parties, par exemple du plomb ou du mercure, qui va être retenu par l'organisme, qui va progressivement empoisonner l'organisme, qui va se concentrer. Une forme de bioaccumulation, là. De bioaccumulation le long de la chaîne alimentaire. Et, par exemple, les poissons, à la fin de la chaîne alimentaire, peuvent contenir 3 fois, 4 fois, 6 fois plus de plomb, de mercure ou d'arsenic. Parce que là, Donc, c'est ça. pour les fluorures. lisais des informations là, que vous avez, et puis je voyais qu'à la sortie des eaux usées des villes, à certaines places, à certains endroits, les concentrations sont 8 fois celles que on est censé respecter, là. C'est évidemment pas partout comme ça, mais je veux dire, qu'est-ce qui arrive après ça avec ces eaux-là? Est-ce que ça se dissout dans l'environnement, c'est absorbé comment? Qui se retrouve en bout de ligne là, dans le fond, à se prendre ça en pleine figure, si on veut, là, je veux dire. Parce que là, on parle de toute la faune aquatique là, avec les animaux et puis les insectes. Et puis, Alors, ce qui va arriver, c'est la flore en premier en général, mais aussi les poissons parce qu'ils sont dans l'eau puis baignent dedans puis en boivent continuellement, en quelque sorte. Et la flore, les plantes, les algues, le plancton va concentrer une partie des fluorures, comme ils sont capables de concentrer une partie du mercure qui serait dans l'eau. Et après ça, les poissons vont manger ce plancton-là et ils vont concentrer dans leurs écailles, dans leurs os et un peu dans leur chair et dans leurs glandes, une certaine concentration de fluorure. Certains éléments toxiques comme le mercure est très difficile à excréter. Le fluorure est un peu moins excrété. Donc, à peu près 50% de ce que les humains vont absorber de fluorure va être retenu par l'organisme, puis 50% va être excrété. 50% de façon permanente, quoi, ça reste dans le corps à tout jamais? Et 50% qui restent encore à tout jamais. Les gens qui ont des problèmes avec la fonction rénale, par exemple, vont en retenir beaucoup plus. Les gens qui boivent beaucoup d'eau à cause de leur travail ou n'importe quoi, ou à cause de leur maladie, diabète insipide ou quelque chose comme ça, vont retenir beaucoup plus de fluorure parce qu'ils sont exposés à beaucoup plus de fluorure. Là, qu'est-ce qui arrive au Québec avec ça, M. Parent? Est-ce que ça s'en va vers une amélioration continue ou s'il y a des poussées dans l'autre sens, là, comme on parlait du ministère là, qui essaie de nous vendre le concept, le fantastique de fluorer notre eau, là? Alors, le ministère de la Santé cherche à promouvoir la fluoration de l'eau. Il vise que 50% de la population au Québec boive de l'eau fluorée. C'est Et leur évidemment, objectif. ce qu'ils essayent de forcer beaucoup, c'est la municipalité de Montréal. Et un des médecins, docteur Stéphane Schwartz, qui est présidente d'une association qui fait la promotion de la fluoration. C'est la Coalition pour les dents en santé de Montréal. Les autres, ils travaillent. Alors, cette semaine, l'Association dentaire du Québec leur a donné le prix d'excellence pour son travail. Elle fait un excellent travail auprès des enfants démunis, pauvres et tout ça, qui ont des problèmes de caries dentaires. Mais c'est elle qui a fait le plus gros travail de la promotion de la fluoration de l'eau au Québec. Ah, mon Dieu. Et elle a reçu le prix de la Pour ça. pour le meilleur dentiste au Québec cette année. Wow, c'est triste quasiment. C'est juste pour vous dire que l'Association dentaire du Québec fait la promotion, la Corporation des dentistes en quelque sorte, fait la promotion de la fluoration de l'eau bien gros. À fond la Et caisse, hein. le ministère, principalement sous l'action de la Direction de la Santé publique du Québec, vise à faire la promotion et ils veulent atteindre un objectif d'ici 2015, un objectif de 50% de la population qui boit de l'eau fluorée. Le problème, c'est que ça a tout un impact sur l'environnement. Il y a beaucoup de rivières au Québec qui ont un très faible débit et le rejet des municipalités, c'est à peu près 8 fois ça, environ 0,80 parties par million. Ça, c'est les rejets des villes, quoi, la moyenne? C'est ça, c'est la moyenne. Donc, ce que les égouts sont rejetés à la rivière, il y a une certaine concentration de fluorure dans l'eau des effluents, l'eau des égouts qui rejettent, même après le traitement. Après un traitement tertiaire, ça baisse davantage, mais après les traitements primaires ou secondaires, la plupart des villes au Québec sont équipées. À peu près la moitié des villes est équipée juste avec un traitement primaire. L'autre moitié des villes sont équipées avec un traitement secondaire. On s'en vient de plus en plus vers un traitement secondaire. Mais même avec un traitement secondaire, les concentrations dans l'eau des effluents, c'est à peu près 8 fois la norme maximale fixée par le gouvernement fédéral. La recommandation canadienne sur la qualité des eaux, qu'on appelle le RCQE, la concentration maximum correspond à un seuil de 0,12 mg de fluorure inorganique par litre. Le dépassement va affecter les écosystèmes. Plus le dépassement est élevé, plus ça dure longtemps, plus l'eau est douce, plus ça va avoir d'impact sur les fluorures, sur les poissons. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 0,12 mg, toutes les plantes et les animaux vont mourir. Certaines espèces sont plus fragiles, certaines espèces sont moins fragiles, mais à partir de 0,12 mg de fluorure inorganique dans l'eau, les poissons commencent à être, et les insectes commencent à être affectés. Donc là, on est en train de parler, selon la nature et la concentration de ces déversements toxiques-là, ça porte atteinte aux écosystèmes aquatiques. Là, on parle que c'est en contravention avec la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur le développement durable, la loi sur les pêches du Canada, et puis on pourrait même parler de la Charte des droits et libertés des humains aussi. Là, ben oui, parce que là, c'est ça là, qui est mon point, c'est que c'est pas un petit dossier à prendre à l'échelle, c'est-à-dire, waouh, ouais, ils rejettent ça dans les rivières, puis c'est pas grave, tu sais, ça va. C'est que là, on vient contrevenir carrément des lois qui sont existantes au niveau de la scène fédérale au Canada et même au provincial ici au Québec, en plus de contrevenir à la Charte des droits de l'homme ici. C'est-à-dire que nous, on n'est pas consultés dans ce processus-là. Donc, c'est pas de quoi qui est à prendre dans la légende, c'est vraiment de quoi qui contrevient à ces lois-là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à partir de là, M. Parent? Là? Je veux dire, c'est de quoi qui est sérieux, là? Alors, par exemple, la loi sur la qualité de l'environnement du Québec stipule que nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter, ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration qui serait susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. Imaginez, là. Puis là, on n'a aucun organisme au Canada ou aux États-Unis qui peuvent assurer l'innocuité ou l'efficacité des fluosilicates. C'est-à-dire que ni Santé Canada, ni le Service de santé publique des États-Unis, le Centers for Disease and Control, la Food and Drug Administration, le U.S. Environmental Protection Agency, la Drug Enforcement Administration, il n'y en a aucun qui sont responsables d'assurer l'innocuité de ces produits-là. Alors, les tests d'innocuité n'ont jamais été faits. Donc, on ne sait pas comment les fluorosilicates vont agir sur l'environnement. Uh-huh. On a fait des études sur les fluorures inorganiques, mais pas sur le fluorosilicate. Uh-huh. Donc, on sait que les fluorures inorganiques vont avoir un effet toxique à une concentration quand elle dépasse le seuil-là, c'est 0,12 parties par million. Uh-huh. Les villes dépassent ce seuil-là par 8 fois. Ah, c'est une folie, évidemment, là. Si la rivière a un gros débit, prenons Saint-Laurent, il y a des millions de gallons d'eau qui coulent à la minute. Mm-hmm. Et évidemment, le produit va se diluer et la concentration va devenir beaucoup plus basse. Et dans l'eau de Saint-Laurent, l'eau est plus riche en minéraux, donc le Saint-Laurent va être capable de tamponner un peu l'effet toxique des fluorures. C'est un peu moins grave dans Saint-Laurent. Sauf que... Encore là, c'est cumulatif, là. Je veux dire, si on faisait ça pendant 50 ans, 100 ans, je veux dire, à un moment donné, la situation s'empire, ça ne s'améliore pas, là. C'est ça. Mais le plus gros problème, c'est que dans le bassin du Saint-Laurent, on a toutes les grandes villes de l'Ontario et toutes les grandes villes des États-Unis qui bordent les grands lacs, qui sont toutes déjà fluorées, qui rejettent des fluorures à des concentrations beaucoup plus élevées qu'au Québec, parce qu'aux États-Unis, la norme pour la fluoration de l'eau est une partie par million, alors qu'au Québec, elle est 0,7 parties par million. Ça s'en vient chez nous après ça. Sauf que les fluorures de l'eau ou la fluoration, c'est pas la seule source. Les engrais chimiques rejettent des fluorures. La pollution environnementale des alumineries rejette des fluorures dans l'environnement. Les insecticides sont à base de fluorures. Et les gens aussi se brossent les dents avec une pâte à dents qui est fluorée. Et tout ça se rajoute. C'est pour ça que les concentrations des rejets des villes, c'est plus élevé que ce que c'est qu'ils rajoutent dans l'eau. Alors, normalement, on aurait 0,7 parties par million dans l'eau du rejet, mais à cause des autres sources, ça monte à 0,8, 0,9 parties par million. C'est ça. Puis là, en combinaison avec toutes les autres sources, en fait, à un moment donné, ça vient que ça dépasse les normes facilement. Là. Mais là, les normes, quand au bout du tuyau de l'égout, c'est 8 fois, 9 fois plus que la norme fédérale. La norme québécoise serait de 0,2 parties par million au ministère de l'Environnement. là, si on contrevient à autant de lois que ça, et puis on s'aperçoit que c'est un problème, en fait, ces gens-là, ils se basent sur aucune étude, sur il n'y a rien qui. Il n'y a personne qui, dans le fond, là, qui se met responsable de juger de l'innocuité de ces produits-là. On se trouve à être en contravention à, non seulement à la charte des droits, mais non de ces lois-là. Est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, en tant que tels, c'est-à-dire comme citoyens, je veux dire, y a-t-il moyen de revenir contre les villes ou de faire front commun? Qu'est-ce qu'on fait avec Bien, ça? Je veux dire, c'est un sérieux problème, là. c'est sûr que les gens peuvent faire beaucoup. Évidemment, la première chose que toute personne qui veut vraiment s'opposer à la fluoration doit faire, c'est de s'informer. Et la première chose pour s'informer, c'est lire. Alors, on peut aller sur les sites Internet, par exemple, Fluoride Action Network ou Pour Fluoride secours. Alert. Alors ça, c'est des sites où on peut aller chercher énormément d'informations sur les effets toxiques des fluorures. On peut lire évidemment le livre La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique qui a été publié aux éditions Bergitte. Vous allez avoir une quantité énorme d'informations. Ouais, Vous allez vous apercevoir que les gens sont exposés à des quantités vraiment excessives de fluorure et que à cause de ça, les gens s'empoisonnent. Et le premier symptôme d'empoisonnement qu'on note dans une population, c'est la fluorose dentaire. Et dans certaines municipalités aux États-Unis, au Canada, c'est 75% des gens qui ont des symptômes d'intoxication au fluorure. Mais qu'est-ce que les gens peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent se présenter à l'hôtel de ville, dire, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut se mettre derrière une cause commune puis déposer une plainte au gouvernement? Qu'est-ce qu'on Ben, fait, je veux dire? il va y avoir plusieurs plaintes. En ce moment, on est en train de faire une série de pétitions au ministère, enfin, au commissaire de l'Environnement au Canada pour leur demander des comptes, leur demander des informations, comment qu'ils font pour juger. Alors, en posant des questions, on leur a demandé est-ce que le ministère de la Santé Canada, a statué on fait des tests sur ce produit-là. Est-ce qu'il est considéré comme médicament ou comme élément nutritif? Alors, ils nous ont dit ce n'est pas un élément nutritif essentiel. Alors, on me dit si c'est utilisé pour traiter les gens contre la carie dentaire, si la seule raison pourquoi on le rajoute à l'eau, c'est pas pour traiter l'eau, mais traiter les gens qui boivent l'eau, théoriquement, par définition, ça devrait être un médicament. Effectivement, On ouais. me dit oui, c'est un médicament, mais c'est un élément nutritif. Ah Et oui. vous venez de dire que ce n'était pas un élément nutritif. Donc, il tricote Alors, avec les définitions à un moment donné pour. C'est spécial, je ça dis. rentre dans une case ou dans l'autre selon ce que c'est qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'ils ont tant à gagner à pousser ces affaires-là? Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, de vouloir pousser absolument cette fluoration-là de l'eau. Je veux dire, c'est comme s'il y avait de quoi gagner, ces gens-là. C'est ou ben non, sont carrément naïfs, je sais pas. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Je veux dire, c'est quoi qui motive Ben, ces gens-là? il y a un film qui est sorti dernièrement sur Monsanto. Le monde selon Monsanto? Ouais, c'est ça. Et c'est bien intéressant parce que ce que Monsanto a réussi à faire, c'est de financer des partis politiques et placer de leurs éléments de la direction de leur entreprise au lieu des lois du gouvernement. Ils ont fait les lois en concordance pour s'adapter à Monsanto. On a vu le manège du tourniquet, hein, le secteur privé qui va au gouvernement, les gens du gouvernement qui retournent au secteur privé. Ça devient, comme dans le fond, c'est un cercle, là, hein, les gens, c'est un gros conflit Exactement. d'intérêts, finalement. Et puis, on pousse ces affaires-là comme c'était, dans le fond, des gens qui sont là pour protéger notre santé, alors qu'on parle on parle justement de médicaments, d'une médicamentation de masse. Et puis, mon Dieu, c'est pas de quoi prendre à la légère, pourtant. Là, les gens qui. Alors, aux États-Unis, dans les années 50, juste à peu près durant la dernière guerre, juste avant la guerre, on parlait des fluorures comme un problème de pollution environnementale, un problème de substances qui étaient naturellement des fois trop élevées dans l'eau, donc on cherchait à l'enlever dans l'eau. Et durant la dernière guerre mondiale, l'industrie chimique s'est développée et aussi le développement de la bombe atomique. Et pour fabriquer l'uranium enrichi, ça prend du fluorure. Ouais, c'est ça que je voulais vous demander. Et les compagnies polluaient énormément l'environnement. Puis durant la dernière guerre, il y a eu énormément de poursuites par les cultivateurs cultivateurs dont les vaches mouraient ou les productions de pêche ou tout ça étaient complètement détruites par la pollution. Oui, oui, suite à votre affaire, vous aviez dit, vous parliez des vaches là, à Rawdon, je pense, au Québec. Je suis allé voir une couple de vidéos et c'est assez atroce de voir les vaches qui sont affectées par ça. C'est ça. Hey, on a mis ça, ils ne peuvent même pas marcher. Puis, mais continuez, oui. La réserve indienne de Saint-Régis sur la frontière entre le Québec et l'Ontario, là, entre Cornwall et puis le Québec. Ah oui, la vache était de ses genoux, elle ne pouvait même pas bouger. Je veux dire, c'est ça, ils développent une fluorose osseuse, c'est un genre d'arthrite où ils ne peuvent même plus bouger. Tout vu de tirer à la vache. Et c'est un problème majeur aussi en Inde où l'eau naturellement contient trop de fluorure dans certaines régions. Les vaches développent la fluorose, un genre d'arthrite. On les soigne avec des anti-inflammatoires parce qu'ils ont tellement mal. Alors, à cause de ces poursuites-là, l'industrie des engrais chimiques, l'industrie de l'aluminium puis l'industrie de l'uranium ont fait une coalition ensemble puis ont créé un genre de centre de recherche financé par ces compagnies-là pour voir comment qu'on pouvait réduire la pollution par les fluorures, mais aussi de aller chercher de l'information pour être capable de contrôler le monde scientifique dans le domaine, parce que c'est eux autres qui menaient la recherche, et c'est eux autres qui ont poussé l'idée de rajouter des fluorures dans l'eau pour drainer la carie dentaire. Ils ont commencé à faire des séries d'expériences chez les humains et chez les animaux pour montrer que c'était pas trop toxique, que ça causait pas trop de problèmes, que c'était bon pour réduire la carie dentaire. Puis ces gens-là, finalement, ont fait nommer un individu au service de la santé publique des États-Unis. Bien sûr. M. Irwin. Pour veiller notre bien, hein, M. Parent. On le payait bien, c'est 150 000 $ quand il travaillait pour l'industrie, alors qu'il l'a placé au gouvernement. C'est fantastique. Pour veiller au bien public. 150 000 $ dans les années 50. Là. C'était beaucoup d'argent. C'était énormément d'argent. Ça ferait à peu près quelque chose comme 3-4 millions. 4 millions, oui, effectivement. Alors, on l'a placé au gouvernement pour qu'il fasse la promotion de la fluoration de l'eau. Puis, ça a été très, très vite. On fait des expériences dans des villes pendant 50 ans. Les expériences devaient durer au moins 15 ans pour voir les effets toxiques à moyen et à long terme chez les humains. Donc, on a pris des cobayes humains. On a décidé pour eux autres qu'ils devenaient des cobayes. On a fluoré l'eau des villes expérimentales sans demander la permission au monde. Puis, on a étudié pendant 50 ans. Et on a falsifié les rapports, les recherches, puis au bout de 5 ans, on a dit que ça réduit la carie dentaire de 75%. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces études-là étaient tellement mal faites parce qu'on voulait vraiment prouver que ça réduisait la carie dentaire pour pouvoir rejeter le produit plus dans l'environnement parce qu'il y avait trop de poursuites, mais dans l'eau des villes. Ouais, c'est fantastique. C'était bien organisé, bien organisé. Mais c'est la démocratie, par contre, je veux dire. Ils prennent soin de demander aux gens si on veut, hein, si on veut vraiment avoir ça dans notre eau, ça, c'est important. Puis c'est vous qui vous faites accuser d'éco-terroristes, ça, c'est évident. Hein, c'est fantastique. Il n'y a pas une des métiers qui sont fluorées au Québec pour laquelle on a fait un référendum pour savoir s'ils voulaient avoir l'eau fluorée. Non, moi, en tout cas, il n'y a jamais personne qui me demandait ça. Puis, en fait, même si on ne s'intéresse pas à ce sujet-là, probablement vous n'allez jamais en entendre parler. C'est pas plus compliqué que ça, je veux dire. Vous n'allez même peut-être pas savoir que votre eau est fluorée. Exactement, je veux dire. Moi, il a fallu que je fasse une demande particulière au ministère de la Santé pour savoir c'était quelle municipalité au Québec là, qui fluorait l'eau. Et puis, je veux dire, c'est une démarche qu'il faut faire. Là. C'est pas de quoi là, qui est affiché. Ils ont une liste. Et la liste n'est même pas à date parce qu'il y a des municipalités comme Laval, par exemple, là maintenant, ça l'est à date, là, mais était longtemps où ils avaient arrêté la fluoration de l'eau parce qu'ils avaient des bris mécaniques, ça leur reprenait les meilleurs équipements, etc. Et pendant ce temps-là, les techniciens se sont opposés un peu à la fluoration de l'eau, donc ils ne visent pas l'avoir parce que c'est très toxique de travailler avec ce produit-là. Alors les gens sont obligés de porter pas seulement des masques, mais des vêtements extrêmement isolants avec des bonbonnes d'air, etc., pour être capable de manipuler les barils de fluorosilicate, parce que c'est trop toxique. Incroyable. Ça me fait penser à une contamination qu'il y a eu avec des OGM aux États-Unis, et puis il y avait eu un gène qui avait été croisé, qui était avec le virus du HIV, et puis ça s'est relâché dans la nature, et puis là, on voyait les gens là, complètement habillés avec les habits de l'espace, et puis des masques, et puis tout, pour essayer d'aller récupérer ces affaires-là. Je veux dire, c'est assez spécial comment que, finalement, tous ces trucs-là sont censés être bons pour l'humanité, ça va vraiment aider la santé des gens, puis après ça, on voit que les gens manipulent ça avec des équipements de sécurité qui sont complètement, là, je veux dire, tellement ridiculement, vraiment haut standard, là, je veux dire, on on voit que ces produits-là sont réellement toxiques. On veut pas que les travailleurs soient intoxiqués, mais c'est correct, buvez-en par contre. Je veux dire, après ça, de toute façon, posez pas trop de questions. Votre taux de QI va descendre un peu. Peut-être que ça va vous abrutir un peu, puis tout va bien passer, tu sais. Oui, mais c'est plus grave que ça, parce que les fluorures peuvent, par exemple, perturber la protéine G, donc toute la communication cellulaire. Oui. Il agit comme le groupe phosphate, particulièrement quand le fluorure se combine avec l'aluminium. Oui. Alors, il y a toute une série d'études qui ont été effectuées par Strunica et associés. Mm-hmm. Le titre, juste pour ceux qui sont intéressés, là, c'est Fluoride Interaction from Molecule to Disease. C'est publié dans Current Signal Transduction Therapy. Répétez le nom encore, deux secondes. Alors, c'est Dr. Strunica et associés. Fluoride Interaction from Molecule to Disease. OK. Et c'est publié dans Current Signal Transduction Therapy, volume numéro 2, page 190 à 213. Ça fait même en 2007. Excellent. Donc, chers auditeurs, allez voir ça par vous-même. Ce n'est pas des informations qui sont sorties du fruit de l'imagination de M. Parent. C'est des affaires, des études, il y en a tellement. Et puis, c'est d'ailleurs ces gens-là qui essaient de nous pousser le concept d'affloration qui se disent se baser sur 27 000 études alors qu'il n'y en a même pas 4 000 qui existent. Et pour et contre. Donc, il y en a une qui vient d'être faite. C'est sur les radicaux libres. Et ça vient d'être publié tout récemment. Je n'ai pas la référence tout près avec moi, par exemple. Sur l'effet oxydatif des fluorures sur les spermatozoïdes. Alors, un effet d'endommager les membranes cellulaires et ça causerait de l'infertilité chez l'homme. Ce qui expliquerait pourquoi aussi les taux de fertilité descendent. Hein? Ben, c'est peut-être une des raisons. C'est certainement pas à ça. Non, certainement pas. Mais bon, c'est tout la même soupe de produits toxiques qu'on ingère dans nos corps quotidiennement et puis qui s'accumulent et qui fait qu'à un moment donné, on a des effets. On voit aussi l'explosion des maladies dégénératives. Monsieur Parent, on va faire une petite pause musicale et puis en revenant, j'aimerais ça que vous nous parliez aussi de ce qui a été démontré en cours comme étant des substances génotoxiques, mutagènes et cancérigènes parce que ça a des effets aussi sur justement la génétique et puis je voudrais en savoir plus long là-dessus si vous voulez bien. Parfait. Et puis je vais vous laisser compléter tout ça. Donc on se rejoint après la pause. Chers amis, avec notre invité spécial Gilles Parent, naturopathe agréé du Québec et porte-parole scientifique du Front commun pour une eau saine et puis aussi pour l'Association des naturopathes agréés du Québec. Alors, M. Parent, pouvez-vous nous parler plus en détail des effets des fluorures sur, comme je disais, sur le plan plus génétique, aussi mutagène et cancérigène? Je crois que c'est aussi de quoi qui est assez important à comprendre, là, de voir que ça a des effets à un niveau aussi profond que ça, là. Alors, les fluorures ont été démontrées, puis on le trouve bien dans notre livre. M. Morin est un des spécialistes sur la question. Alors, Pierre-Jules Morin est l'ancien directeur de la recherche à l'hôpital Laval à Québec. C'est un PhD en médecine expérimentale. Et puis, c'est un ancien conseiller du ministère de l'Environnement sur la question des fluorures. Et c'est le co-auteur du livre rouge sur les fluorures du ministère de l'Environnement 1979. Donc, c'est un des grands spécialistes. Et avec le docteur Dean Burke. Dean Burke, c'est le fondateur ou un des fondateurs de l'Institut national du cancer des États-Unis. Ceux qui voudraient aller voir qui est qui dans le monde, juste aller voir Dr. Dean Burke, et puis son curriculum est tombé à la renverse parce que c'est impressionnant. C'est lui qui est en quelque sorte l'instigateur du développement de la chimiothérapie. Moi c'est ça qui me fascine aussi, c'est de voir comment ils essaient de rejeter les gens du revers de la main en disant oh, vous êtes un peu des fous, vous autres là, vous sortez du bois comme ça avec vos arguments. Et puis finalement, quand on commence à regarder ça, on regarde des gens qui ont des prix Nobel, des PhD, des docteurs, on a des études là sérieuses, là. C'est pas des affaires là qui sont des approximations, là. Je veux dire, Monsieur Parent, là, on parle de des gens qui sont dans le domaine et puis qui sont au courant et puis qui poussent dans cette direction-là depuis 20-30 ans, là. Je veux dire, c'est des spécialistes, là. Je veux dire, c'est pas des gens là qui pensent que peut-être que ce serait pas bon, là. Je veux dire, c'est appuyé dessus des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines de recherches là, et puis d'études, là. Alors, ce qu'on a démontré, c'est que les fluorures à très faible concentration, ça a des effets cytotoxiques. Ça veut dire que ça a un effet d'endommager la cellule. Alors, les dommages qui sont cytotoxiques, qui sont avant tout, puis c'est ça que vient de faire la recherche d'un groupe de chercheurs mexicains, c'est bien fait comme étude et bien documenté. Alors, ils ont démontré que les chlorures à des concentrations de 5 mg par kilogramme par jour sur le rat causaient des dommages. C'est évidemment des concentrations très élevées, mais c'est fait sur une très courte période de temps. Okay. Alors, il y a deux types d'effets. Il y a un effet plus aigu quand on met des concentrations plus élevées ou des concentrations beaucoup plus faibles, mais ça a un effet chronique. Et les deux peuvent avoir au bout les mêmes effets, là. C'est-à-dire que si on expose quelqu'un assez longtemps à une substance, mais pas en grande quantité, on va peut-être avoir les mêmes résultats qu'une concentration beaucoup plus élevée. Mais ce n'est pas toujours certain. C'est juste pour dire qu'il faut quand même être prudent avec ces recherches-là pour arriver à des conclusions trop rapides. Alors, les fluorures ont des effets cytotoxiques. Un effet cytotoxique aussi peut avoir un effet sur les gènes, sur le code génétique du noyau de la cellule. Okay. On appelle ça une substance qui est génotoxique. Et on a démontré d'une façon très claire que les fluorures, puis il y a au moins une vingtaine d'études scientifiques qui démontrent que les fluorures ont un effet génotoxique à cause des dommages au niveau des gènes. Quelle sorte de dommage qui est occasionné aux gènes et aux cellules? Alors, ça peut endommager le code génétique, l'ADN. Carrément, le code génétique, qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut changer les gènes carrément? Ça peut endommager les gènes. Endommager les gènes. Les gènes ont la capacité aussi de se réparer. Mais si le dommage est fait à certains endroits, ça peut être plus difficile à réparer. Et à ce moment-là, la substance devient génotoxique et non réparable. Et puis, une substance qui est génotoxique a le potentiel d'être mutagène. Donc, on se retrouve dans une situation où on développe des cancers, des maladies dégénératives? Exactement. C'est ça. Des malformations congénitales, des choses comme ça. Il y a plusieurs études. Dr. Rapaport a démontré qu'il y avait beaucoup plus d'enfants qui naissaient mongols. Donc, ça a des effets sur les femmes enceintes et puis les nouveaux-nés, quoi. Exactement. Quand on cause des dommages au niveau du code génétique, on peut causer du mongolisme automatique. Oui, et puis c'est irréversible. On peut aussi causer des malformations congénitales, puis on peut favoriser le développement du cancer, et le cancer peut s'exprimer peut-être 10, 15, 20 ans plus tard. Ce qui est bien pratique. Alors, pour les gens qui vendent aussi ce délai-là. Non, ça fait rien. Regardez, vous n'avez pas de conséquences, mais évidemment, sur le long terme, ça fait des dommages permanents aussi, là. Je veux dire, un coup que les dommages sont faits à la cellule, puis au noyau, à l'ADN, je veux dire, c'est fini. Là. Après ça, c'est... à l'université Harvard, à Boston, le docteur Élise Bassin a fait une étude statistique. Ils ont démontré qu'il y avait à peu près 3 à 4 fois plus de cancer des os chez les jeunes hommes, dans les villes où l'eau était fluorée comparativement aux villes non fluorées. Oh my God! Encore là, il faut être prudent dans une étude épidémiologique. Il ne faut pas nécessairement conclure que c'est toujours, il y a peut-être d'autres facteurs qui sont en ligne de compte, mais c'est fait sur des énormes populations, des milliers et des milliers de gens qui ont vécu dans des villes où l'eau est fluorée. Et c'est un cancer rare, le cancer des os, mais qui a 4, 5 ou 6 fois plus de cancers dans les villes l'eau fluorée des eaux chez les jeunes hommes. C'est louche. C'est louche. C'est louche, puis comme on dit, je veux dire, si c'est une question de médication de masse là, ici, là, puis je veux dire, dès qu'on a un indice où on a on a de quoi qui nous dit que oups, ça pourrait être potentiellement toxique. Et puis, comme vous dites, là, génotoxique, il n'y a pas de chance à prendre. Il n'y a pas de chance à prendre, je veux Une dire. substance, le mutagène, a le potentiel d'être cancérigène automatiquement. C'est ça. Puis là, c'est rejeté dans la nature, donc ça va en faire aussi pour les espèces animales et les autres, les insectes et tout, là, je veux dire. Donc, c'est vraiment un problème d'envergure, je veux dire. Et quand on endommage un élément de la chaîne, les daphnies, qui étaient le genre de larves d'insectes, qui servent pour la nourriture des poissons, ils sont sensibles à une concentration d'une partie par million. Je m'excuse, à point une partie par million, à un dixième à peu près de la dose qu'on met dans l'eau. Alors, les autres, c'est la nourriture principale des poissons à une certaine période. Alors, si ces larves-là disparaissent, le poisson n'a plus de nourriture, puis il meurt à cause de ça. Donc là, c'est un problème aussi pour la chaîne alimentaire. À Kamloops, en Colombie-Britannique, ils ont arrêté la fluoration de l'eau parce que 55% des poissons, les saumons qui remontaient les rivières, mouraient à cause des effets toxiques des fluorures. Pas directement à cause de l'effet toxique sur leur propre vie, mais parce que ça leur enlevait leur nourriture. Wow, ça a été établi, là, je veux Oui, dire. Kamloops a arrêté la fluoration principalement à cause de ça. Et puis, un coup qu'ils ont arrêté la fluoration, là. Le taux de décès des poissons est tombé de 55% à 5%. Wow! En combien de temps? Ah, l'espace de 2 ans. Eh, c'est bon. Troublant. Par rapport au cancer, le docteur Bert Yamouyanis et Kej Morin, qui est mon confrère dans l'ouvrage du livre La fluoration, autopsie d'une erreur scientifique, ont démontré qu'il y avait presque 10% plus de mortalité par cancer dans les villes fluorées. Ils ont comparé 10 grandes villes qui fluoraient l'eau à comparer à 10 grandes villes qui ne fluoraient pas l'eau aux États-Unis, toutes des villes d'un million de population. Ils ont contrôlé tous les facteurs. Ça a été démontré en cours avec, comme on dit, comparaison avec les deux groupes de recherche, parce que je vous dis que l'Institut national du cancer des États-Unis puis tout ce grand monde-là était là. Ils ont démontré en cours, sans que personne puisse prouver le contraire, que les fluorures augmentaient l'incidence de cancer d'environ 10%. Wow, c'est non négligeable, c'est incroyable. Écoutez, Monsieur Parrain, il nous reste environ 4 minutes. Rétrospectivement, quand on va regarder ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce que vous pensez que les gens vont penser, maintenant, dans 100 ans, nos descendants? Ben, ils ont fait une grosse erreur scientifique. Tout le monde a couvert l'erreur scientifique. Personne ne s'est posé les vraies questions. Quelle est la dose que les gens prennent de toutes les sources et tout ça? Pourquoi qu'il y a eu tant d'erreurs dans cette affaire-là? Et pourtant, les erreurs sont tellement évidentes, les gouvernements ont abaissé le taux de fluoration ici au Québec de 1,2 parties par million à 0,7 parce qu'il y avait trop de cas de fluorose dentaire. Ils s'étaient trompés de 50 %. Hey! En Légère fait, quand tu marge. te trompes de 50 %, c'est une grosse erreur. Le pire, c'est qu'on leur avait dit que le problème serait là à partir de 1975. J'étais à la commission parlementaire, on a soulevé la question. À la ville de Montréal, on a resoulevé la question et personne ne se corrige. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver, M. Parent, en terminant avec toute cette question-là au niveau environnemental et puis sur la scène publique aussi? Est-ce que vous Ben pensez? là, ce qui arrive, c'est que l'information commence vraiment à circuler. Alors, dans l'espace à peu près de 5 ans, la fluoration, ça va être une chose du passé. Pensez, ouais. Vraiment, ça s'en va en cours aux États-Unis, en Australie. C'est certain que ça va arriver d'ici peu de temps en cours. Il va y avoir certainement des plaintes qui vont être déposées aux différents gouvernements, aux différents ministères. Ils sont attaqués en ce moment, puis je vous le dis qu'ils patinent parce que Ils peuvent pas se même défendre. Environnement Canada et le ministère de la Santé publique, Santé Canada disent, posez-nous pas trop de questions, on n'est pas capable de répondre. On n'aime pas ça, c'est fatigant. C'est bien fatigant. Hey. Et la loi à l'accès à l'information les oblige de répondre, puis ils nous ont dit, là, arrêtez de fournir des questions parce que vous embêtez tellement, on n'est pas capable de répondre. Crime, ils n'ont rien pour se défendre, c'est ça qui est le problème. Je veux dire, donc vous êtes bien positif, 5 ans, Crime. C'est bon, écoutez, chers auditeurs, c'est vraiment important là, que, regardez, c'est une émission complète qu'on a faite là-dessus, et puis aucun doute là-dessus. Je veux dire, c'est évident que même au plus sceptique des gens qui penseraient encore que la fluoration, c'est encore bon. Je veux dire, il y a des doutes, il y a des sérieux doutes qui permettent de croire que, à tout le moins, on ne devrait pas prendre la chance de rejeter ça. En fait, de rejeter, moi, j'appelle ça rejeter, mais en fait, d'intégrer ça dans l'eau potable et même des produits comme les dentifrices et même, je veux dire, il va falloir aussi s'enligner sur les fertilisants. Je veux dire, c'est toutes des affaires qui se retrouvent dans l'environnement et puis qui ont des effets. les insecticides exactement qui, je veux dire, qui étaient vendus. Encore là, ça commence à être un peu plus surveillé, mais je veux dire, c'était vendu, mon Dieu, sur des tablettes. Alors, voulez-vous des boîtes? Il n'y a pas de problème. Après ça, on trouvait des chats morts dessus les pelouses, affaires comme ça, je veux dire. C'est assez particulier, je veux dire. Mais bon, je suis content d'entendre parler de ça, puis j'invite les auditeurs à aller découvrir les sites et puis les livres que M. Parent vous a suggéré. Et puis faites des pressions, parlez-en à vos amis, je veux dire, c'est important. Je veux dire, même comme on parlait des produits, les insecticides, les fertilisants, les pâtes à dentifrice, je veux dire, il faut, si c'est vous qui avez la clé de votre vie, il faut décider par vous-même et puis prendre des actions. Monsieur Parent, en mot de la fin, qu'est-ce que vous suggériez aux gens pour vraiment essayer d'éviter le plus possible de ces situations-là? Éviter de s'exposer, éviter d'acheter des dentifrices fluorés, des rince-bouches fluorés. N'utilisez pas des insecticides aux fluorures, n'utilisez pas des engrais phosphatés parce que ça contient des fluorures. Et si jamais vous demeurez dans une ville où l'eau est fluorée, faites des pressions auprès de votre ville. N'importe quand, vous pouvez toujours nous inviter à faire une démonstration ou une conférence dans votre région. On est toujours bien disponible pour ça. Est-ce qu'on peut vous rejoindre, M. Parent, si les gens veulent faire ça? Alors, les gens peuvent me rejoindre. Je pense que la meilleure façon, c'est sur le site Internet. Comme ça, on va pouvoir répondre au bon moment. Parfait. gilles.parent-nd@belnet.ca. Excellent. Alors, j'espère que vous avez pris ça en note. Je vais mettre ça en lien aussi sur la page Nouvelle Internationale, chers auditeurs. Alors, c'est une belle invitation que M. Parent vous envoie là. Je veux dire, si vous avez, envie de vous éduquer puis d'éduquer aussi votre voisinage, pourquoi ne pas organiser une session d'information comme ça et puis inviter aussi les gens qui siègent sur le comité de la ville, là, je veux dire, même le maire lui-même, et puis essayer de faire bouger les affaires. Vous avez plus de pouvoir que vous pensez. Je veux dire, regardez ce qui est arrivé à la Ville de Québec. C'est à cause de des gens comme M. Parent, des gens qui sont bien informés, qui sont conscientisés et puis qui ont à cœur en fait la santé des gens, pas comme Santé Canada. Vraiment des gens qui ont à cœur votre santé et puis prenez les choses en main. Attendez pas que ça se passe, que ça se fasse faire par les autres. Je veux dire, c'est important que vous preniez votre destinée, votre santé en main. M. Parent, c'était encore une fabuleuse entrevue. Je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir, c'est fantastique de vous avoir. On va vous attendre avec impatience pour la prochaine. J'espère bien vous avoir pour une entrevue sur peut-être plus une note festival sur la culture biologique et puis des alternatives à proposer aux gens aussi, ça serait bien intéressant. Ça me fera bien plaisir. Bon, ben c'est super. Alors, je vous laisse partir bientôt, cher monsieur. Merci, mes chers auditeurs aussi. Au revoir. Au revoir. To the promised land. Music is a source of life. Music is a source of life. Good night, good night. Music. soul dub style. Just lick it and go on, so star. We are playing a soul dub style. Just lick it and go on, so star.